Mes chers petits morceaux de jambon racorni, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 4e émission de la série consacrée à la campagne, à la nature, aux ruisseaux, aux animaux et à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un agriculteur, à une agriculture. Monsieur Bardamu, ouais. Monsieur Bardamu, vous êtes notre guide dans cet univers véritablement palpitant qu'est la campagne broutignarde. Alors, on va rapidement définir le domaine broutignard qui s'étend largement autour d'écrouler les deux églises, hein. Ouais. Au nord, jusqu'à Pézinsac-sur-Fleuge, et au sud, jusqu'à Trucy-de-la-Vieille, et qui est bordé à l'ouest par la forêt du Clanc. C'est un univers palpitant. Ouais. Bon, écoutez, Blaillac, franchement, au début, je vous aimais bien, mais là, vous commencez un petit peu à me gonfler. Alors, je vais vous raconter un secret une bonne fois pour toutes, et après, vous allez arrêter de me les briser, hein. Bon, alors, vous avez le domaine du Broutignard est encore palpitant jusqu'à Vendieu-la-Goulue. Mais c'est à la limite nord. Ensuite, ça devient un univers époustouflant. Mais c'est plus la même juridiction, putain. Ah, je vois. Et en quoi consiste l'avantage d'habiter dans une région agricole palpitante par rapport à une région agricole époustouflante, par exemple? Mais ça facilite beaucoup le travail des champs. Quand je passe trop de temps sur mon tracteur, j'ai des palpitations, putain. Ce n'est pas très agréable comme sensation, ça. Hein, je dis pas que ça soit agréable. Mais c'est quand même mieux que de finir la journée en trouvant tout ce qu'on voit époustouflant. Il faut le dire, ça, aux gens. C'est ce qui arrive dans ces régions. J'avais un copain qui avait bossé 10 heures d'affilée sur son tracteur. Eh bien, vers la fin, il a fait une fixation sur une motte de terre. Il est descendu de son tracteur en la fixant des yeux et en disant à tout le monde qu'il l'a trouvée ahurissante. 15 jours plus tard, on l'a retrouvé dans la forêt, il avait eu une aventure avec un ragondin, putain. La vie agricole est rude et met les nerfs à rude épreuve. Ce n'est pas vous qui me contredirez. Ah ça non, putain, aussi vrai que je suis Robin des Bois, hein. Pour honnête mélodramatique, oh putain. Ne pensez-vous pas que l'on peut faire bouger les choses? Rendre la vie de ces hommes et de ces femmes plus facile? Les aider? Vous faites partie d'une confédération, je crois. Oui, la CFPCAM. Ah, ce qui veut dire? La Confédération Française des Paysans Cuités à Mort. Est-ce que vous avez, de par cette confédération, une action politique? Je crois savoir que vous vous réunissez tous les samedis. Mais très peu de décisions concrètes sont finalement prises lors de ces réunions. Ah, mais c'est bien normal. La concertation d'un grand nombre est toujours très difficile. Mais oui, il faut le dire, ça, Ogia. Dans la première demi-heure, tout le monde est suffisamment clair. C'est là qu'on prend des décisions importantes. Et ensuite, une heure plus tard, putain, on est tellement cuité qu'on s'écroule par terre et on dort jusqu'à midi. Et quelles sont ces décisions, dites-moi, monsieur Bardamu? On s'en souvient plus le lendemain. Oh. Généralement, il s'agit d'un accord commun pour apporter plus de gnolles la prochaine fois, voyez. Je vois. Mais ne pensez-vous pas que certaines régions agricoles devraient changer de nom pour améliorer la vie des agriculteurs et encourager le tourisme? La pensée va évidemment vers le domaine du « si tu viens ici, tu crèves du choléra ». Il suffirait de changer les panneaux de signalisation et les bandes kilométriques. C'est un petit investissement par rapport à l'impact que ça pourrait avoir. Surtout dans le domaine de la santé publique, monsieur Bardamu. Et comment vous voulez appeler votre bled? C'est pas moi. La vallée du bonheur. Ah non, pas un nom de PD, putain! Mais faut arrêter de raconter des salades! Nous devons malheureusement nous quitter. Décidément, le temps nous manquera toujours pour découvrir dans le détail les mille merveilles qu'ont à nous offrir ces champs, ces bois, ces villages, ces paysans cuits et à mort. Mais nous nous retrouverons demain pour une dernière émission en forme de feu d'artifice, un gigantesque bouquet final qui ne sera pas, je l'espère, un adieu, mais plutôt un au revoir. En attendant, monsieur Bardamu, je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Ouais, putain, c'est inouï ça quand même.